الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، dans le dernier درس on avait pris trois أحاديث. On avait pris celui du Jumu'a, le comportement à avoir lorsqu'on se rend au Jumu'a durant la khutba, et que cela est une cause de pardon des péchés jusqu'au Jumu'a prochain. Wa khazna kadhalika, hadith du comportement lors de la sadaqa, lors de l'aumône, et que l'affaire de façon discrète est meilleure pour la sadaqa nafila, celle qui est surrogatoire. Wa khazna adab as-salam, le comportement à prendre pour passer le salam. D'accord, que c'est celui qui est Raqib, celui qui est en véhiculé ou autre, qui passe salam au piéton, et que le piéton qui passe salam à celui qui est stationné, enfin, c'est-à-dire qui est debout, et que le petit groupe passe salam au grand groupe, et que le petit passe salam au grand en premier. Après tout ça, c'est mimbeb et l'estirbeb. C'est ce qui est de recommandé, préférable. D'accord? Donc c'est parmi les bons comportements adoptés autant que possible lorsque l'occasion se présente. سنترول اليوم في الحديث السادس والثمانين وهو السادس من هذا الفصل. Donc là c'est le 86e hadith du kitab et 6e du chapitre intitulé Adab Irtiyar al-Jalis. Donc maintenant c'est le comportement à adopter pour choisir les bonnes fréquentations. D'accord. Sur quoi se baser? Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. Pour choisir les bonnes fréquentations. Car les fréquentations, ils ont leur part indispensable dans le bon acheminement de la personne. Plus ton entourage sera bon, et en théorie, mieux tu seras. Et le contraire, plus ton entourage te sera nuisible, et plus et moins bon tu seras. وقال عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهذيك وإما أن تتباع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة متفق عليه. Donc selon Abu Moussa radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'exemple de la, on va dire, la bonne fréquentation, celui qui est salih, et de la mauvaise fréquentation, c'est l'exemple du vendeur de parfum ou de souffleur dans le verre. Le vendeur de parfum, quand tu restes à ses côtés, soit il te donnera du parfum en cadeau, ou soit tu en achèteras de lui, ou soit alors, au minimum, tu t'imprégneras de son odeur, du parfum qu'il vend. Donc il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien en tirer. Tu peux avoir un plus grand bien encore, mais il n'y a que du bien en tirer à rester avec le vendeur de parfum. Quant au souffleur de verre, c'est soit il va te brûler tes vêtements, soit il va te brûler tes vêtements, ou tu trouveras de lui une mauvaise odeur. Donc là, c'est pareil. Lui, à rester avec lui, tu ne trouveras que du mal, et le minimal du mal que tu subiras, c'est que tu trouveras une mauvaise odeur. Contrairement au vendeur de parfum. Donc ta fréquentation soit portera un bien minimum au maximum, t'apportera un bien, et la mauvaise fréquentation soit t'apportera au minimum du mal ou un mal maximum, mais t'apportera du mal. Donc là, c'est à toi de faire le bon choix de la bonne personne à fréquenter. Et l'autre jour, on en parlait, dans le DERS précédent, que la bonne fréquentation, ce n'est pas forcément lié sur les affinités, c'est important, mais pas forcément. Mais c'est surtout la personne par laquelle tu t'élèves religieusement parlant. La personne par laquelle tu te rapproches d'Allah Azzawajal. Car tout cela paraîtra yom al-qiyama. Car tu vas trouver des gens qui ont des qualités qui te conviennent, mais en réalité, au point de vue religieux, ils ne t'apportent rien. D'accord ? Tu passes du bon temps avec eux, comme on l'a dit, ils sont marrants, ainsi de suite, mais point de vue religieux, tu ne progresses pas avec eux. Donc en réalité, on ne peut pas appeler ça une bonne fréquentation. Vous voyez ? Et tu as des gens qui ne vont pas forcément te faire rire, ils ne vont pas forcément te permettre de passer un moment qui te fait oublier certains problèmes, mais quand tu restes avec eux, tu entends des paroles qui même des fois peuvent te piquer ton nefs ou te mettre un peu mal à l'aise, mais qui te sont profitables. En réalité, tu dis en réalité, ce que j'entends là, si je le fais, c'est qu'un bien pour moi en fait. Tu vois. Donc c'est pas forcément les choses qui plaisent à notre âme qui sont les choses qui nous sont profitables. Et tout comme tu as des gens, tu penses que tu passes du bon temps avec eux, et après quand tu te fais ton récapitulatif de ton évolution religieuse, tu te dis en fait j'ai rien appris. Au contraire, tel jour j'ai fait ça, c'était pas bon avec un tel. Un jour j'ai fait ça avec un tel, c'était pas bon. J'ai fait ça avec un tel, c'était pas bon. On a bien rigolé, ceci, cela, mais je regarde bien. Dans mon rapport avec mon Seigneur, je suis descendu, je suis pas monté. Donc ça, c'est pas une bonne fréquentation. Donc toi, il dit que tu dois choisir la personne qui est salih. Salih, souvent traduit, on le dit par vertueux, pieux, ce qui s'ensuit. Rajul salih, on l'a expliqué, c'est la personne qui rend le droit à autrui, en fait. C'est ça quelqu'un qui est salih. En premier lieu, il rend le droit à Allah Azawajal, et il rend le droit aux gens. C'est pas forcément quelqu'un qui fait des actes extraordinaires, qui passe la nuit en salat, qui donne en aumône tout son argent, quoi. C'est quelqu'un, il rend le droit aux gens. C'est ça quelqu'un qui est salih. D'accord ? Donc forcément, ça va le faire appliquer ses obligations, éviter ce qui est interdit, et rendre le droit aux gens. Les gens dans leur ensemble, qu'il s'agisse de ses parents, qu'il s'agisse de sa famille s'il est marié, qu'il s'agisse de ses voisins, qu'il s'agisse même des koufars, d'accord ? Il rend le droit aux gens. Il ne laisse personne du mieux qu'il peut. Quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui est salih. Vous voyez, il rend le droit qui revient aux gens. Donc toi, tu dois faire l'effort de t'entourer de gens qui sont de la sorte. Même s'il n'est pas drôle. D'accord ? Même s'il ne te fait pas rire. C'est pas grave. Donc qu'on te fasse rire, c'est pas un droit que tu as. D'accord ? C'est pas interdit, mais c'est pas un droit. Quelqu'un qui te fait pas rire, il t'a privé de rien du tout. Hein, tu sais. C'est pas dire ouais, il est pas drôle comme s'il était avare. Il est pas drôle, il est pas drôle. T'as des gens qui sont drôles de nature. Et t'en as, ils sont pas drôles, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais et qu'ils sont moins bien. Ou pareil, t'as pas fait le sadaka. C'est pas grave, il n'est pas obligé. Il a payé sa zakat, il rend le droit à son père, à sa mère, à sa famille, et toi, il t'a rien donné à toi. Ça veut pas dire qu'il n'est pas salih. Ça y est. Mais s'il donne ou quoi, aslah, il a encore plus de solh. Mais c'est pas une chose qui lui est imposée. Parce que des fois, on veut. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot vertueux. Quand on dit le mot vertueux, ça agrandit la chose, ça l'embellit plus qu'il n'en faut. Et quand les gens ne voient pas ça, on va dire des actes en plus surrogatoires, ils ne voient pas la valeur de la personne, en fait. Donc le salih, c'est celui qui a un bon rapport avec son Seigneur et un bon rapport avec les gens selon les limites du shara, de la législation en fait. Donc nous, il nous est demandé de choisir ce genre de personne comme entourage au mieux. Et qu'au minimum, il sera comme le vendeur du parfum, rester avec lui, au minimum tu vas trouver une faïda. Comme le vendeur du parfum, au minimum, en restant dans son dépôt, dans sa boutique à côté de lui, du parfum va te toucher, tu vas sentir bon au minimum. Donc tu vas regarder quelque chose. D'accord ? Alors que dire en plus, tu t'entends bien avec lui, tu profites de lui, là c'est encore mieux. Et justement dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il donne exemple, dans Surat Al-Kahf, dans ces jeunes qui ont quitté la caverne, Allah Azza wa Jalla les cite, « وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِيَلَعِبِ الْوَسِيدِ » et que leur chien était... posé devant la caverne. Et les ulama ils expliquent, regardez bien, c'est un chien. En islam, le chien, c'est un animal qui est vil. Un animal qui reste dehors. D'accord ? C'est un animal qui peut être permis dans certains cas, mais de base, on ne doit pas avoir de chien. Et pourtant, dans le Coran, Allah Azawajal a nommé ce chien. Pourquoi ? Il a dit parce que ce chien, en restant avec ses jeunes, il a obtenu leur baraka. Dans le Coran, Allah l'a cité. Donc c'est-à-dire que rien qu'en restant avec eux, dans le Coran, Allah Azzawajal a cité ce chien. Alors que c'est qu'un chien. Et c'est aussi dans ce hadith qu'on a pris il n'y a pas trop longtemps, que les malaïkas, tassiru et tuluqat tabhasan majalis al-zikr, que les anges parcourent les lieux de passage et cherchent les lieux de rappel, les lieux où on évoque Allah Azzawajal. Et lorsqu'ils les trouvent, Allah Azzawajal les interroge, et il sait plus savoir de ce qui s'est passé, et il a dit comment on veut trouver mes serviteurs, en disant il t'évoque, il parle de toi, et ainsi de suite. Et de là, Allah Azzawajal dira, sache que tous ceux qui sont présents dans ce majlis, je leur ai pardonné. D'accord ? Ils diront, et il y en a un qui est rentré, mais il n'était pas d'eux. Il n'est pas venu pour le rappel, mais il est passé à ce moment-là. Il a dit, ben même lui, du fait qu'il soit venu à ce moment-là, avec ces gens-là, même il n'est pas venu pour le fait d'écouter le zikr, et ben il a atteint ce pardon. Donc vous voyez le minimum. Cet homme-là, il est venu, d'accord ? Par exemple, je ne sais pas, il veut te parler à toi. Il vient, il frappe, je peux rentrer, il attend que le dias est fini, mais il attend. Et à la fin, le dias, il veut te parler, il a un truc à te demander. Mais il est resté quand même, il n'est pas parti. Et ben, en restant, en venant pour te parler, à cette occasion-là, il était pardonné. Tu vois, le minimum à obtenir avec Jalis, Jalis As-Salih. Et c'est pareil, Jalis As-Sou, il est comme le souffleur de verre, ça veut dire qu'il utilise des outils à chauffer à blanc, ce genre de choses, hein, c'est-à-dire qu'il peut te brûler tes vêtements, il y a une mauvaise odeur. Et bien des fois c'est pareil, quelqu'un, t'es en train de faire une chose qui n'est pas bonne, et quelqu'un veut te voir, mais il n'a rien à voir avec ce que tu vas faire, il rentre au moment où tu fais ton mal. Et quand dans la marche à Farel, la police elle arrive, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il se fait embarquer avec toi. Il dit, j'ai rien fait, moi je suis venu vous demander les clés. T'étais là, ils t'ont attrapé, ils ont trouvé ton plaqué, ton violenté comme lui. Je cherche pas à savoir. Putain, ils vont te lâcher. Mais sur le moment, ils t'ont attrapé. Ça se trouve, ils t'ont malmené également comme si. Il dit, j'ai rien à voir. C'est mon grand frère, j'ai demandé les clés à mon grand frère. Oui, ben t'étais là, on t'a attrapé, c'est tout. Eh ben minimum, il est venu vers toi, t'étais une personne mauvaise, et ben il a subi de ton mal. À son échelle, mais il a subi de ton mal. Donc ce qui fait que même les lieux. Les personnes à éviter, il faut les éviter autant que possible, ne serait-ce que pour demander les clés. D'accord ? Les lieux mauvais à éviter, parce que tu n'es pas à l'abri, que tu passes à ce moment-là, il se passe quelque chose et malheureusement, ça tombe dessus à toi aussi alors que tu n'avais rien demandé. D'ailleurs, souvent, ils le disent, les gens, quand il y a eu des dégâts collatéraux dans des embrouilles ou quoi, ils disent souvent, c'est quelqu'un qui n'avait rien à voir, hein, qui passait par là. Mauvais moment, au mauvais endroit, quand dans la marche à Farel, et il y a eu une dispute, une bagarre, il s'est pris un coup, il s'est pris un coup de couteau, il s'est pris une balle, ou il lui avait quelque chose, il était accusé alors qu'il était innocent, ainsi de suite. Mais l'endroit où il est passé, c'était un endroit qui est connu pour être un endroit qui est à éviter. Donc, d'emblée, on fait les bons choix. Après, des fois, on n'a pas le choix, il faut que tu passes par là. D'accord ? Tu habites là. L'autre, c'est ton voisin, tu ne l'as pas demandé, tu vois. Mais tant que tu peux éviter, évite. Alors, qu'en est-il du choix de tes compagnons ? Tu seras encore plus minutieux là-dedans. Donc, cette personne qui est salih, à l'exemple du vendeur de parfum, soit il va t'offrir du parfum, donc c'est quelqu'un de généreux là, donc tu as eu un avantage, tu es parti le voir, et tu as dit tiens, Akhi, un peu de parfum, hop, machallah, j'ai décalé, Akhi, il était gentil, du parfum. Soit tu vas en acheter, donc tu vas sentir bon, ou soit alors, en restant à ses côtés, tu auras une bonne odeur. Donc tu as tout à y gagner. Et la personne qui est mauvaise, il en est de même. Et généralement, il y a même une expression chez les koufars. Hein. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les gens, avec leur fréquentation, tu sais à qui tu as affaire. Kama yakul yukal an al-arab, an al-tuyur, d'accord, à l'ashkaliha. Les oiseaux volent par espèce. D'accord ? Les oiseaux, attends, là, ils ont volé cette expression-là, ils sont pris pour eux, mais c'est une expression qui existe depuis longtemps. D'accord ? Tu verras pas un moineau. Voler qu'un faucon. Tu verras pas un canard voler avec les cygnes. Les oiseaux, regarde, ils sont que entre eux. Et les arabes, déjà, le disaient avant. Et toujours, à la c'est une sagesse qui était connue. Et bien, c'est pareil. Et dans le Coran, Allah dit Al khabithat li khabithin, ou le khabithun li khabithat, ou le tayyibat li tayyibin, ou le tayyibun li tayyibat. Les mauvaises aux mauvais, et les mauvais aux mauvaises. Les bons aux bonnes, et les bonnes aux bons. Ça va ensemble. Tant que homme et femme femme et femme, homme et homme. D'accord? Une personne de droiture, quand il va se marier, il va pas chercher n'importe quelle femme. Une femme de droiture, quand elle va se marier, elle va prendre n'importe quel homme. D'accord? Et toi, pareil, quand tu es droiture, tu prendras pas n'importe quel compagnon avec toi. Et ainsi de suite. طيب يقول في الشرح الإجمالي explication globale ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الجلساء وأنهم على نوعين. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a donné en image l'exemple des fréquentations de deux sortes. الجليس الصالح الذي يدلك على الخير وتستفيد منه في دينك ودنياك. Par exemple, celui qui est le jalis, fréquentation, qui est salih, c'est celui qui t'indique le bien dont tu profites tant dans ta religion que dans ton bas monde. Même dans le bas monde, il était profitable. Des choses qui te servent dans le halal ou ghayr dhalika. Wa daraba lahu mathalan bil'attar wa hamil al-misk alladhi man ja'a ilayhi yu'tihi tiban aw yashtari minhu aw aqal ahwalihi an yajida 'indahu ar-rih at-tayyib. Puis donner un exemple, le vendeur de parfum. Ou celui qui porte du parfum, que soit il va t'en donner, soit tu vas en acheter, lui en acheter, ou soit alors en restant à ses côtés, tu vas sentir bon. Au minimum. فالجليس الصالح قد تحتدي بسببه للخير وقد تنجو بسببه يوم القيامة من العذاب. C'est-à-dire que la fréquentation qui est salih, il se peut que par sa cause, tu sois guidé vers le bien. Et que par sa cause, يوم القيامة, tu sois épargné de bien des maux. Du fait que tu étais avec Fulain ou avec tel et tel frère, et que ça t'a épargné de bien des maux. Il a dit, Bikhilaf al-Jalis al-Seyyi al-Lazi yatadarrar minuhu al-Insan fi dini wa dunya. À l'inverse de la mauvaise personne, celle par laquelle, lorsque tu la fréquentes, il t'arrive des choses préjudiciables, tant religieuses que mondaines, en restant avec lui. Puis il a donné l'exemple du souffleur de verre ou le forgeron. D'accord? Attention, c'est un exemple. On ne dit pas qu'un forgeron est mauvais et qu'un vendeur de parfum est bon. C'est un exemple. D'accord? Un forgeron peut être quelqu'un de bien et un vendeur de parfum, ça peut être quelqu'un de mauvais. Là, c'est juste l'exemple. Alors que les gens le prennent pour eux. Tayyib. Et dans le Coran, elle a dit وَيُمْ يَرَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Il a dit le jour où l'injuste se mordra les doigts, il dira pauvre de moi que je n'ai suivi le chemin du messager. D'accord? Pauvre de moi que je n'ai pris un tel comme ami. D'accord? Moulay l'a dit Khalil, en avoir avec moi. Il a dit Khalil, car à la base, Khalil, c'est la personne qui était la plus proche. Donc là, il parle d'un tel comme, comme meilleur ami. Voyez car cet homme-là m'a égaré du sentier après que je l'ai connu. C'est-à-dire, tu as des gens, ils étaient sur une bonne voie, et à cause d'un tel qu'ils ont fréquenté, ou une telle, ils ont dévié. Voyez. Alors qu'ils ont vu la vérité, mais comme un tel avait des affinités avec lui pour des raisons quelconques, hein, ils ont une chose, un centre d'intérêt commun, ou il est marrant, ou je ne sais quoi, et bien il a suivi, mais ce personnage n'était pas bon. Et à cause de lui, il a dévié. Et bien Yom Lakiyama, il va se mordre les doigts. Il va regretter. Il a dit Wakena Shaitan, l'insen khazula. Et que le Shaitan déserte l'homme. C'est-à-dire que le Shaitan, il va t'amener à faire du mal par étapes, et une fois que tu auras fait ce mal, il va t'abandonner. D'accord? Dans le Coran, elle a dit كَمَا سَلِي الشَّيْطَانِ إِسْقَالَ الْإِنْسَانِ كْفُورِ فَلَمَّا كَفَرَا قَالَ نِبَرِي وَمِنْكَ. Comme l'exemple de Shaitan, lorsqu'il dit à la personne, m'y crois. Dans le sens, fais le mal. Ça peut être m'y croire, ça peut être un péché, ça peut être autre chose. Il t'incite à faire un mal. Une fois que tu as fait ce mal, il part. Il t'abandonne. Il te laisse toi tes regrets. Et tu dis, voilà, tu te mords le doigt, je me suis fait avoir. Alors que tu as été averti avant, attention à ça, attention à ça. Après, tu n'auras que le regret. Donc le shaitan, il est là pour t'emmener vers le mal. Une fois que tu as mis dans le mal, il va te laisser tout seul. Il va partir. Yaqul fawaid al-hadith. Fadilat mujalasat al-salihin wa ahli al-khayr wal-muruah wa makarim al-akhlaq والورع والعلم والأدب qui montre le mérite des bonnes fréquentations, des gens du bien, des gens des valeurs humaines, des bons nobles caractères, et de le wara. Wara, c'est la retenue pieuse. C'est le fait d'éviter de faire une chose qui puisse te nuire. Et les gens de ilm et de comportement. Ce n'est qu'à ton avantage que de fréquenter ce genre de personnes. Thaniyan, an-nahi an-mujalasat al-shar wal-fisq afwan ou al-bida' wa man yakhtab an-nas. Et l'interdiction de fréquenter les mauvaises personnes, de la perversion, les gens de l'innovation et les gens qui sont médisants. D'accord. Thalithan, taharat al-misq wa hil bay'ihi wal-misq at-tiyab at-tiyib kama fi al-hadith. Et ce qui prouve que le misc est pur et que le misc est la meilleure, le meilleur odorant qu'il soit, comme cela est venu dans le hadith. C'est le misc. Et dans le Coran, elle a dit « وَيْخْتَيْمُهُ مِسْكِ وَفِي ذَلِكَ فَلَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » رَابِعًا دَرْبَ الْأَمْثَالِ لِتَقْرِيبَ الْمَعْنَى لِلسَّامِعِ. Le fait de donner des fois des images, des paraboles pour éveiller la compréhension de la personne à qui tu parles. Taïb. Donc ça, c'était ce hadith. Donc il convient à chacun de faire l'effort que sa motivation première à fréquenter quelqu'un, c'est le bien à en tirer religieux ou mondain, mais qui dit mondain, dit dans le halal. D'accord ? Dans le halal, taban. ثم يقول, donc là c'est le 87e hadith du kitab qui est le 7e du bab, بعنوان adab al majlis. Donc maintenant c'est le comportement à avoir d'une assise. Et là qu'on parle d'une assise, c'est au masjid ou c'est lors d'un ders ou c'est dans différentes situations. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل رجلا من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسح وتوسع متفق عليه. Donc selon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que personne ne fasse lever quiconque de sa place pour la prendre, mais il faut faire de l'espace, d'accord, afin que les gens puissent s'asseoir. Par exemple, tu as un endroit, quelqu'un est là, si tu dis pas lève-toi, je prends ta place. Mais on peut dire écartez-vous un peu, je puisse m'asseoir. Voyez. Donc le Raoui, c'est Abdullah ibn Omar. Bon, c'est connu, c'est le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui est parmi les Sahaba qui ont porté le plus de hadiths, car il a commencé très jeune. Donc là, il dit « Ey min makanihi allazi sabakahu ilayhi min maudi'in mubah » Ça veut dire qu'il ne t'est pas permis de priver quelqu'un de sa place s'il t'a devancé et qu'il est dans un endroit, bien sûr, qui est permis. Maintenant, s'il y a un endroit qui ne l'est pas permis, tu peux lui demander de s'en retirer, bien sûr. Là, on parle d'une chose qui est permise. Et du fait que cette personne-là était là avant toi. « Watawassa'u » Ça veut dire « élargissez-vous, faites de la place, quitte à se serrer entre nous pour laisser de la place à ceux qui veulent rentrer. » Et là, on a le verset « Ma'rouf, ya yu allazina amanu, ziyakil lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, ou ziyakil lakum inchuzu fanchuzu. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Vous qui avez cru, si Amil vous est dit, dans une assise, de faire de la place, d'accord, de faire de l'espace, alors faites-le. Et que Allah Azawajal vous donnera de l'espace également. C'est-à-dire dans vos cœurs, il va élargir vos cœurs, et en fait, t'en tire d'une récompense. Et si on vous dit de partir, de vous lever, alors levez-vous et partez. Et que Allah Azawajal élève parmi vous ceux qui ont cru et qui ont eu le savoir en degré, et que Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc si quelqu'un vient à un endroit et prend une place avant toi, dans une place qui est légitime, tu n'as pas le droit de l'en priver, de le faire se lever, qui que tu sois, en disant « ouais, moi je suis plus savant que lui, je suis plus vieux que lui » ou non, il était là avant toi. D'accord ? Maintenant, si lui veut te laisser la place de lui-même, là où zalik. D'ailleurs, même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, il donnait à boire, il avait bu, non, il n'est pas bu, mais il donnait à boire, et il commençait par sa droite. D'accord ? Et à sa droite, il y avait un jeune garçon. Et après, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme sahabi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'enfant, me permets-tu de donner à boire à celui qui est après toi ? Parce que c'était le droit de l'enfant de dire de boire en deuxième. Si ça boit un enfant, il était là avant. Et l'enfant l'a refusé. Il a dit non. Non pas que l'autre, je l'aime pas ou quoi, mais je veux la baraka d'avoir bu sur ton verre après toi. Vous voyez ? Le hirs des sahaba. Et le Nabi Salem, regardez le tawadur, l'enfant, il aurait pu dire, ouais, c'est un enfant, vas-y, tiens. Non, il lui a demandé, est-ce que tu me permets de donner à boire à un tel ? Il a dit non. Non. Malgré le respect qu'il peut avoir. Je ne sais plus c'est quel sahabi. Et juste ouais. Une question, il y en est quoi là de réserver sa place à chaque fois ? On va en parler, Inch'Allah. Donc, comme tu l'as dit, réserver sa place comme les gens le font au masjid, ça c'est une chose, même l'auteur il le dit. Attends, allez-vous ? طيب c'est là que ça vient d'ailleurs dans le fawaid al hadith il dit anna man sabaqa ila mawdi' mubah fi al masjid wa ghayrihi yawm al jumu'ah aw ghayrihi li salatin li salatin aw ghayriha nahwa ahq bihi que quand une personne vient en premier dans un emplacement permis dans le masjid ou autre et le jour du Jumu'ah, ou autre le Jumu'ah pour une salat, ou autre, qu'il est plus en droit d'avoir cette place-là. Ça, attendez, non, après, c'est le point, c'est le cinquième point, il va le dire, Inch'Allah. Thaniyan tahrim al-iqamat al-insan min mawdi'ihi al-mubah al-lazi sabaqa ilayhi. Qui n'est pas permis de faire lever quelqu'un de là où il est assis, alors qu'il était avant, pour prendre sa place. Thalithan, man'u istinqas haqq al-muslim al-muqtadi lil-dara'in wal-hith al-tawadhu al-muqtadi lil-mawadda. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de négliger les droits du muslim. Chose qui peut amener à de l'animosité. Tu lui as fait une chose qui fasse que dans son cœur, il en a après toi. Des fois, c'est un truc tout bête comme ça. Mais il garde dans son cœur. D'accord ? D'où la hadith où le Nabi sallam il a dit « La yabir ahadukum al bayya ba'd » de ne pas vendre sur la vente de ton frère. Ton frère, il a commencé un commerce, un négoce avec quelqu'un, tu ne viens pas pour prendre son client. Tu n'as pas le droit. « Ou la yartub ahadukum al khidbat akhi » que personne ne fasse la khidba d'une femme qui a déjà été martouba par un frère. Un frère, il a déjà une khidba avec une sœur. D'accord ? Tu n'as pas le droit d'aller essayer de la détourner. Si elle a dit non à l'autre frère, ça y est, c'est fini pour toi. D'accord ? C'est son qadar, c'est pour lui. Et si elle a dit non, là tu peux y aller. Pourquoi ? Car le frère, il a fini le ritba avec la sœur. D'accord ? Toi, tu viens, et bien tu casses son poids, comme on dit. Donc tu crées quoi dans son cœur ? La nouvelle envers toi. Donc ça mène à une division. Alors que la religion, elle nous appelle à nous aimer, à nous soutenir. Donc là, tu fais une cause de division. Donc ne prends pas les gens de leurs droits. Et là, il en est de même. La place de quelqu'un, tu ne lui prends pas sa place. Pareil. Et donc, cela incite à la modestie qui amène justement aux bonnes relations entre nous. Car souvent, tu as des gens qui disent « Moi, je suis un tel, moi, je suis responsable, moi, je suis ceci, je suis là, c'est ma place. » Tu n'étais pas là. D'accord ? Tu n'étais pas là. Lui, c'est un ceci, cela, il a deux rangs sociaux moindres que toi, il arrive avant toi. La place, elle est pour lui. Par contre, maintenant, demain, t'es assis, ton père dit « Lève-toi, laisse-moi la place. » T'oublies à papa. D'accord ? C'est normal, c'est offert. On ne dit pas que ton père peut le faire. D'accord ? Mais on dit « S'il le fait, tu ne rappelles pas le hadith. Tu te lèves et tu baisses la tête et tu t'en vas. D'accord ? Tu te lèves et tu dis « Fadda liabi. » Voire même, s'il vient, lève-toi. Laisse même pas te demander. Laisse-lui la place directe. Si tu sais qu'il aime cette place-là ou quoi, laisse-lui. Et pareil pour ta mère, bien sûr. Je la dis le père parce que souvent c'est le père qui va arriver, qui dit lève-toi de là, laisse-moi la place. C'est plus le père qui fait ça que la mère en général. Rabi'an, anou yanbaghi lil hadirin, idha qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu. Et que lorsqu'on dit aux gens, justement, de faire de la place dans les cercles ou autres, qu'ils le fassent. Ça arrive souvent là. Au Jumu'ah, c'est un refrain. Quand tu rentres, hé, les frères, faites de la place, il y a des gens dehors, barakallahu fikoum, ils veulent rentrer. C'est vrai. De base, on va avoir le réflexe quand on rentre au mosjid, on sert les rangs tout de suite pour penser à ce qui vient derrière. Que les responsables n'aient pas à le répéter à chaque vendredi. Non, ça va être un automatisme. On sait qu'il y a des gens qui vont venir tous les jours où il pleut, il fait froid. Tu as des messagers, des gens sont dehors. Pense à ton frère, fais de la place. Rentre, comble les rangs. À la base, c'est la sunna, c'est de combler les rangs avant de faire un nouveau rang en plus. Quand on rentre au Jumu'ah, on finit les rangs. D'accord ? On finit les rangs. Khamisan, la yajuzu. C'est là ce que tu voulais entendre. تحجر المكان في المسجد ونحوه بشيء دون أن يجلس فيه لأن الإنسان إنما يتقدم بنفسه لا من منديله وكتابه. Qui n'est pas permis de réserver une place au masjid et autres sans s'y être assis déjà au préalable. D'accord ? Car la personne, quand elle a une place, c'est par elle-même et non pas par un mouchoir ou par un livre ou une chaise ou autre, ou maintenant des banderoles qu'ils mettent. Tu n'étais pas venu, tu n'étais pas là, cette place n'est pas à toi. D'accord ? Tu peux être le mouazzin, tu peux être le directeur de la mosquée, qui tu veux, tu n'étais pas là. Tu n'as pas fait ça là, cette place, elle est pour qui vient et qui s'y installe. Donc ça, c'est pas permis. Réserver les rangs dans la mosquée, premier rang, c'était pas permis. D'accord ? Par contre, comme la dernière fois on disait, tu étais au premier rang, tu es parti pour une raison, tu es parti aux toilettes, fais tes ablutions. Tu reviens, la place, elle est à toi. D'accord, c'est normal. Maintenant, tu pars, tu vas discuter avec un frère loin, tu vas manger un truc, tu dis, j'aurais, j'étais là. Ah, t'es parti. Tu vois. C'est pas une place d'avion, t'as payé réservé un billet, t'es assis, c'est à toi. Là, t'es parti. Maintenant, t'es parti pour une raison temporaire, rapide, mais tu comptes revenir à ta place, malgré toi. La place, c'est là à toi, énorme. Et ça, c'est un truc qui arrive souvent, comme je dis la dernière fois, dans les mosquées où il y a des étudiants en sciences. Ah, souvent, c'est la guerre pour ça, le premier rang. C'est ma place, j'étais là avant toi. Non, je viens d'arriver, t'étais pas là et tout. Et que dans ces moments-là, comment on agit ? C'est quoi le conseil d'agir ? C'est la place, non ? Toi, demain, tu viens, tu étais assis au premier rang. La dernière fois, je l'ai dit. Tu es venu pour la salat, tu es venu tôt, tu es assis au premier rang, tu révises le Coran. Tu as envie d'aller aux toilettes. Tu vas aux toilettes, tu fais des ablutions, tu reviens, oh ! Ta place est déprise par quelqu'un. Comment tu réagis ? Franchement, je viens sans pied, c'est la place. Ouais. C'est sa place. C'est ton premier rang, tu es venu tôt pourquoi ? Comment tu sais qu'il est têtu ? Qu'est-ce que tu fais en premier lieu ? Tu dis qu'il était là. Tu lui dis, Ari, j'étais assis là. Je suis parti aux toilettes, j'ai fait une ablution. Excuse-moi. Hein ? C'est gênant. T'as fait tous ces efforts de venir te maudit tout ça pour après te gêner devant lui. Tu dis, Allah, yaftah alek, c'est ma place. Ari, j'étais là, Afouane. Ari, cette sadaqa là, cette hasanat là, Yom al-Qiyamah va le servir. Pourquoi t'es venu tôt pour le premier rang ? Tu fais le sadaqa, tu es dans la rue, tu fais le sadaqa à tout le monde. Tu dis là, il n'y a pas le sadaqa. En hasanat, il faut être avare. C'est à moi, c'est ma place au premier rang. Désolé, Ari, c'est mon droit. Je le récupère. Tu vois ? Je le récupère. Et tu l'aurais fait dans une khidba ? Franchement, je me dis là, subhanahu wa ta'ala, peut-être il va te donner encore plus si tu laisses le frère, peut-être comme ça. Il va dire que c'est une récompense. Tu as fait preuve de sagesse, de patience. Non, dans ces moments-là, non. Quand c'est hasanat, c'est à toi, Ari. T'en auras besoin, Yom al-Qiyam. Tu vois ? Je dis pareil, bah voilà, tu veux, demain, bah je donne un exemple qui sera plus lié à ton avidité d'homme. Demain, tu as une khidba avec une sœur. Et un frère, pendant que tu es dans la khidba, il vient faire une khidba avec elle. Ça touche ton orgueil, ton honneur. Comment tu le prends ? Tu dis, oh non, Allah Azzawajal, c'est la sagesse, je te la laisse et tout. Hein ? Je te la laisse ? Je l'ai vue, elle m'a plu, machallah et tout, c'est une rarissime, je te la laisse ? Barakallahu fik. Le premier rang, bah, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Le frère, tu lui dis. Si c'est un fahim, il va dire, ah, Fouan, Ari, je crois qu'il n'y a personne, je m'excuse. Hop. S'il y a de la place, juste, il se décale, tu dis, Ari, reste au premier rang, juste décale-toi un peu. S'il n'y a pas de place, bah, derrière. D'accord ? Maintenant, il veut pas. Il veut pas, il refuse. Du non, je suis arrivé, il n'y a personne, c'est la place. La mosquée, elle est à Allah, elle n'est pas à toi. Dans la souvent, c'est ça. Le massage d'Alillah, il dit comme ça et tout. Sauf beaucoup des vieux, ils font ça. Il y en avait un au Yémen, un vieux là, ah, lui c'était laisse tomber. J'ai jamais vu quelqu'un aussi ahras al-saf al-awal minhu. Et il a fait tellement d'histoires, ce jeu-là, tellement. Les gens disaient, vas-y, rentre, prends le premier rang, parce que toi, je sais que c'est un mur, tu comprends pas. Il était connu, dès qu'on voyait, on rigolait. C'était même marrant à la fin. Bref. T'allais, tu venais à ta place, c'était là, il dit, le massage d'Alillah, il dit comme ça et tout. Tu dis, il se moque de moi, lui. Il vit en douloureux de Chir, il entend les douloureux, il entend ses bidards, et tous les jours, il vient, il le fait. Tu dis, non, c'est pas possible. Bref, il veut pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Non, il n'y a pas de place. Il a pris ta place et là, le rang, il est bouclé. Je vois derrière. Hein? Je vois derrière. C'est mieux. Lâche l'affaire. Ah, mais ça fait mal. Imagine, t'es au premier rang et l'autre rang, il est au 20e. Et tiens, tu vas au 20e. Mais Allah Azzawajal, il sait que tu étais venu là à la base. Donc ta récompense a été inscrite. Mm. Ça veut dire que tu n'as rien de perdu. Alors que lui, il n'a pas la récompense du premier rang parce qu'il a pris injustement, ce n'était pas à lui. Donc il est venu au premier rang, il s'est mis en guerre avec son frère et en plus, il n'a pas la récompense parce que cette place-là n'est pas la sienne. Donc ça sert à rien de faire ça. Quelqu'un dit oh j'étais là, on te dit que là, un tel était là avant toi. Les frères ils sont là, ils en témoignent. Ah il laisse la place. Non je suis arrivé et tout. Tu dis ce que tu fais, c'est bête parce que tu n'auras pas le H du premier rang. En plus t'as mis dans ton t'as mis de l'antipathie dans le cœur de ton frère et t'as été injuste. Ça sert à rien ce que tu fais. Tu fais une ibada sur du zulm. Tu vois c'est illogique. Mais bon t'en as ils comprennent pas ça. Alors toi plutôt que t'embrouiller avec lui, d'accord, me donner une mauvaise image. En plus, avec la salate, tu vas faire salate, toute la salate, tu vas être que en rage contre lui. Tu vas penser que à lui et lui que à toi. Tu vas dire, Allah yaftar alik, Allah yafouranik, tu vas derrière. Au moins, tu fais salate avec le cœur apaisé. Et Allah, il sait que le rang était à toi à la base, donc toi, ton ajr, tu l'as. Et t'as évité une fitna. Et lui, il a pris son péché, d'accord, et son ajr, il ne l'a pas. Il a juste son corps au premier rang. C'est tout ce qu'il a. Et en plus, les gens vont le voir. Faut pas croire, les gens les voient. Hein. Ceux qui sont habitués, ils voient ceux qui font tout le temps ça. Quand je dis, le vieux, là, je disais tout à l'heure, là, il était repéré, lui. Les gens, ils disent, lui, là, on le connaît, lui. À chaque fois, au premier rang, il vient, il fait du volume à tout le monde. Pour le premier rang. Malheureusement. Il faut pas oublier, le but, c'est quoi? C'est plaire à Allah. Donc, on va pas plaire à Allah, on veut une chose qui lui déplaise. En étant injuste envers le frère. Ça, c'est illogique, tu vois. Non. Donc, le fait et même des ulama sont partis au stade de dire que réserver une place dans le masjid, c'est une bid'a. Les sahaba ne le faisaient pas. Ta place, elle est à toi. Tu l'as perdue pour une raison valable, tu la laisses. Tu dis pas, ouais, j'étais là, après, ça fait une demi-heure, t'es parti. Et, t'as vu? Fouen, mais voilà. J'ai attendu, je vois que tu viens pas. Si tu étais aux toilettes, t'avais un mal au ventre ou quoi, bon. Mais on t'a vu dehors en train de rigoler avec les frères, excuse-moi, la place, je la prends. Et t'as. Si, dans ce cas-là, voilà. Sinon, t'es parti rapidement, t'es revenu. Eh ben tu la récupères, tu vois. Mais je pense que c'est pas trop fréquent ici. Là, c'est plus dans les masajid où il y a des gens qui restent beaucoup au masjid. Et ça, par contre, ça, je vous dis, chez les tolab al-ilm, c'est rempli, ça. Parce qu'ils sont toute la journée au masjid, dans le doulous. Attends, là, ils dorment au premier rang. Ils prennent son oreiller, ils se posent au premier rang, ils dorment là. Avec des mecs, j'étais rempli. Le premier rang, pour l'avoir, c'est vraiment que tu étais un batal, mashallah. Parce que déjà à la base, là, ils vivent au masjid. Le masjid, c'est leur maison. Les toulab, ils n'ont pas de maison, ils vivent au masjid. Donc, ils dorment où? Mais ils dorment au premier rang. Tu vois, ils dorment là, ils se lèvent, ils font sa mission. Oh, pire, viens. Il prend son mosaf, il révise. Il prend son livre, il révise avec un frère. Il a un ders, il passe son ders, hop, il revient, il prend sa place, s'il la trouve. Voilà. Mais ici, vu que les mosquées sont fermées après chaque salawat ou quoi, ben voilà, tu ne peux pas trop le faire. Ouais. Et encore, c'est pas tous, je pense. Si, tous, en moment. Ouais. Donc, le mohim, là, vous avez appris que la faïda à prendre, c'est dans le comportement, dans les assises, de ne pas priver une personne de sa place. Mais si on peut faire de la place, il faut en faire. Pas le premier rang. S'il y a la place pour que l'autre y soit là, dis juste on s'écarte un peu, vous les frères, écartez-vous un peu, on rentre tous les deux. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on trouve un arrangement, c'est la meilleure chose à faire. Pareil. El hadith, 88e hadith, qui est le 8e hadith de ce fasl, Adab et Munajah. C'est le comportement. La Munajah, c'est dans le sens de l'échange intime. Quand on dit intime, c'est pas homme et femme, c'est intime, privé. D'accord ? يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليتناجى اثنين دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه متفق عليه. Il a dit si jamais vous êtes trois personnes, que deux ne s'isolent pas du troisième pour discuter entre eux, en privé, tant qu'il n'y a pas d'autres personnes avec vous, car cela va l'attrister. Quand même, ça veut dire que vous êtes trois frères, ou trois sœurs. Vous êtes ensemble, et d'un seul coup, tu as dit l'autre frère, tu dis « Attends, attends, tu prends un pas, tu lui parles, ou tu lui parles comme ça dans l'oreille et tout. » Et le troisième, il est là. Ça, faut pas le faire. D'accord ? Faut pas le faire. Par contre, s'il y a d'autres personnes et que le troisième n'est pas tout seul, oui. Mais s'il n'y a que vous, non. Car la cause, c'est que cela l'attriste. Et cela peut amener à ce que la personne, elle a un ouest-ouest. C'est-à-dire, quoi, il parle ? Soit il parle sur moi. Alors, le pire, c'est quand les gens rigolent. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Ils sont là, ils sont deux, ils disent un truc, ils rigolent, ils regardent le troisième. Le troisième, il dit, tu vois, il pense qu'on se moque de lui. Donc, tu mets dans le cœur de ton frère quelque chose qui n'est pas bon. Et Shaitan, il demande que des étincelles comme ça pour créer l'incendie. Hein. Pas besoin de plus. Hein. T'en as, ils disent rien. Et un jour, j'ai une embrouille. Tout le temps, l'autre jour, vous vous moquez de moi. Je vous ai vu, toi. Tu dis, qu'est-ce que tu racontes ? Ça reste. Il y a des gens, et ça rentre dans leur cœur, ils n'oublient pas. Ils te le sortent des mois après, des années après. Ils n'oublient pas, tu vois. Donc, ça, même si on va dire qu'eux, ils abusent, de l'autre côté, il faut éviter de le provoquer. Donc, ce comportement amène à cela. Éviter que ton frère prenne son nef contre toi pour des choses aussi simples. D'accord ? Et c'est pareil. L'auteur va le dire également. Parler d'une langue qui ne comprend pas. Parce qu'ils vont dire, ouais, mais c'est vous qui nous entend. Ouais, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Par exemple, on est là, tous les trois, on parle. Et deux sont arabophones, l'autre, il ne l'est pas. Les deux commencent à parler en arabe. Le troisième, il dit, il ne comprend rien. À la base, c'est vrai que c'est moustahab qu'on parle en arabe. On va dire, ah, le frère est avec nous, il ne comprend pas. Donc ça va. C'est comme si je te prenais à part, je te parlais. C'est-à-dire, toi et moi, on parle en français. Tous les trois, d'un coup, lui et moi, on parle en arabe. Là, tu vas dire, qu'est-ce qu'ils font là ? De quoi ils parlent ? Tu vois ? Il peut mal le prendre. Donc c'est la même chose. Maintenant, vous êtes quatre, là, baisse. Mais quatre dans quel sens ? Que le troisième, ou plutôt le troisième, et quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous êtes quatre, vous êtes trois à parler, l'autre est tout seul, ça revient aux mêmes choses. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit isolé, qui se sente mis à l'écart, en fait. C'est ça le but, vous croyez ? Même si vous êtes 10, 20, vous êtes 19 à parler, et un, il parle tout seul, ou vous êtes 18 et deux, ils sont tout seuls, c'est ça qu'il ne faut pas. Et ce côté qu'il y a un isolement et que certains sont mis à part. Maintenant, s'il y a un truc important à dire et que ça ne concerne qu'une personne, trouve l'occasion où vous êtes seul avec lui et tu dis ah, il faut que je te parle tout à l'heure, un truc. Et tu le prends à part, à un moment où il n'y a personne. Ou alors tu dis aux gens, excusez-moi, j'ai un truc à dire important, vous me permettez ? Tu demandes la permission ? Tu vois, c'est un truc intime qui me concerne lui et moi. T'as-t'azine ? Là, ouais. Mais tu fais comme ça sans adab et tu commences à lui parler à part dans son noyau ou quoi, ça, c'est pas permis, ça. Parce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tutrilouhu ala muslim. Que parmi les actes préférés que Allah il aime, c'est de rentrer la joie dans ton cœur, dans le cœur de ton frère. Faire plaisir à ton frère. Donc là, ce hadith-là, agir de la sorte, c'est le contraire. Tu vas l'attrister. Tout ce qui cause une tristesse injustifiée ou quoi, c'est une chose en religion qui est interdite. Après, il y a des cas, les gens ils sont susceptibles, ils sont à autre chose. T'as rien fait, ils se vexent. Là, c'est autre chose. D'accord ? Mais tu as des choses qui sont évitables, il faut les éviter autant que possible. Yaqul fawaid al-hadith an-nahy 'an tanaji al-ithnayn idha kana ma'ahuma thalith, qu'il est interdit que deux personnes se mettent à l'écart lorsque il y a un troisième avec eux. Thaniyan annahu yajuzu al-tanaji bayna ithnayn idha kanu arba'atan fa akthar aw kana bi'iznihi l'intifa al-illa, et qu'il est permis justement, de s'isoler comme ça, entre deux, si jamais ils sont quatre ou plus. C'est-à-dire que les autres parties, ils sont également un groupe. Ou alors, de le faire avec sa permission. Car cela, si l'autre te le permet, alors ça annule la cause d'interdiction qui va être triste. Salisan annahu izekanu salafatan fa takallama ithnan bighayri lughat thalith walaw jahra fa innahu manhiyun anhu. Et là, ce qu'on a dit tout à l'heure, si jamais ils sont trois et que deux d'entre eux parlent d'une langue que le troisième ne comprend pas, cela également est interdit car ça va revenir au même en fait, à le mettre à l'écart. Rabi'an, al-nahi an kulli ma yusi il est le muslim ou yurzinhu. L'interdiction de tout ce qui porte atteinte au muslim et qui l'attriste. Mais comme on l'expliquait, dans les choses, bien sûr, raisonnables. Ah ben, y a des choses, des fois tu les fais, les gens ils sont vexés pour rien, t'as rien fait. D'accord ? Même des fois, tu fais une chose, il faut le faire, une nasiha. Même des fois, gronder ou un truc, et l'autre, il le prend mal. Et il sort ce hadith, ouais, tu m'as attristé. Tu dis, Akhi, ce que tu as fait, c'est haram. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu comprends pas? Bon, je vais avoir un comportement plus sévère avec toi pour que tu arrives à comprendre. D'accord? Le but, c'est pas de t'attrister, c'est de t'éduquer, on va dire comme ça. Et là, il faut le faire. Donc, il faut pas que les gens prennent les adillas et les placent hors contexte. D'accord? Tayyib. Khamisan, an al-islam, ya'muru bi jibr al-kulub, wa husn al-mujalasa, wa al-muhadatha. Que l'islam ordonne justement de tout ce qui amène à épanouir les cœurs et aux bonnes relations et aux bonnes discussions, aux bons entretiens, aux bons échanges. Sadisan, an ahkam al-shari'a mabniya ala al-ilal wa al-munasabat. Et que les règles de la religion sont basées sur des causes et des occasions. S'il se passe telle cause, alors il y aura tel jugement qui va venir. Kama yuqal, c'est une qaïda qui dit an al-hukm yadur ma sabab. Que le jugement est basé sur une cause. Si la cause est présente, est présente à fouen, le jugement va s'établir. S'il n'y a pas la cause, il n'y a pas de jugement à ce moment-là. هذا الذي أخذنا اليوم من هذه الأحاديث نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته